الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 25e leçon de cette série de Doros sur le livre Al-Itqan de l'imam Suyuti, livre qui traite des sciences du Coran. Nous sommes arrivés aux sciences relatives à l'interprétation du Coran, à savoir l'explication du Coran, sa compréhension. Nous sommes arrivés au cœur du sujet, la perle, si vous voulez. Les sciences, ulum al-Qur'an, si je peux les représenter, c'est comme une huître. La coquille, ce sont les sciences relatives au tanzil, à la descente du Coran, la révélation, comment la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, descente synthétique, descente fragment par fragment, durant toute sa mission prophétique. Les sciences relatives au tartil, on a parlé des qira'at, des différentes lectures, les récitants, les règles, les critères d'acceptation d'une lecture. Nous avons parlé de la vocalisation, de la phonétique, du tartil, du Coran vocal, comment réciter, comment respecter les makharij al-huruf, les ondes d'articulation des lettres, des mots. Et nous avons parlé des sciences relatives à la recension, comment on s'est réuni, comment on l'a consigné dans un parchemin, dans un livre, comment s'est faite sa réunion à l'époque du prophète sallam, puis à l'époque d'Abu Bakr, puis la recension par Uthman radiallahu ta'ala an. Toutes ces sciences-là constituent la coquille, si vous voulez. Et puis l'interprétation, le ta'wil, c'est le cœur, c'est la perle. C'est la perle. Bien sûr, sans la coquille, il n'y aura pas de perle. Donc, la science qui constitue l'objectif, c'est la science qui constitue l'objectif, c'est la science du tafsir, l'exégèse. Et nous avons expliqué les trois termes, si vous voulez, le champ lexical du tafsir, du ta'wil. Nous avons expliqué les trois termes qui rentrent dans ce champ-là, à savoir le tadabbur, la méditation du Coran, et puis le tafsir. Nous avons expliqué ce que c'est, et nous avons expliqué brièvement ce que c'est que le ta'wil. Bon, je continue, inshallah, aujourd'hui. Il faut savoir, chers frères, chères sœurs, une chose, c'est que le Coran a été révélé en langue arabe pure, dans une époque où les Arabes avaient atteint le sommet dans l'éloquence et l'art de la rhétorique, comme en témoigne leur poème, le Mu'allaqat. Ils suspendaient solennellement les meilleurs poèmes au mur de la Kaaba, comme le Mu'allaqat Taraf ibn Abd, Mu'allaqat Mru' al-Qais, sa fameuse Mu'allaqat, sa chef-d'œuvre dans la poésie anti-islamique. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقوط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. Très très beau poème. Les Arabes à cette époque-là goûtaient la langue arabe. Quand le Coran est descendu, ils furent séduits, furent éblouis par son éloquence et sa beauté. Ils avaient compris beaucoup des significations des versets du Coran. Seulement, bon, certaines finesses, certaines significations profondes des versets leur échappaient. Or, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam consistait justement à expliquer ces significations subtiles, à expliciter ce qui est global. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous avons fait descendre sur toi le zikr, savoir le Coran, afin que tu explicites aux gens, aux hommes, ce qui leur a été révélé. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate les Abayes, sourate Nahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec le Coran, le récitant, en plein recueillement devant Allah subhanahu wa ta'ala au cœur de la nuit, il prolongeait le qiyam, et en le méditant et en l'étudiant avec Jibril. Jibril lui expliquait et étudiait avec lui le Coran. Et il a passé sa vie à déduire les règles, les prescriptions et les enseignements du Coran sous, bien sûr, l'œil bienveillant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons avaient reçu les termes du Coran et aussi ses explications et la manière dont il faut expliquer le Coran, ce qu'on appelle manhaj al-istidlal, manhaj al-istidlal, manhaj talaqi. Ils ont reçu le Coran, les versets de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont reçu aussi la manière de l'expliquer, manhaj le tafsir. Ainsi qu'on par exemple le verset dans sourate al-an'am fut révélé, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, dans sourate al-an'am, ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucune injustice, ceux-là seront en sécurité et ceux-là seront bien guidés. Cette révélation fut pénible aux compagnons. Ce hadith, bon, le hadith en question se trouve dans le Bukhari et celui du Muslim d'après le hadith d'Ibn Mas'ud. C'est lui qui raconte cette histoire-là. J'ai dit, ce verset fut pénible aux compagnons. Vous savez, ils étaient des Arabes. Ils parlaient l'arabe pur, ils avaient compris le sens apparent de ce verset-là. Ils ont dit au prophète, envoyé d'Allah, qui d'entre nous n'a jamais été injuste avec son âme? Le verset est clair pour eux. La phrase est claire. Injustice, dhulm, cité sous sa forme indéfinie, nakira. Ce n'est pas az-dhulm. L'ami El-Bissou, imanahum biz-dhulm, mais biz-dhulm, sous forme indéfinie. Si c'était az-dhulm avec l'article al, on aurait dit que peut-être le al, c'est un pronom de rappel qui renvoie à une injustice particulière. Mais là, ils ont compris qu'il s'agit de n'importe quelle injustice. C'est un nom indéfini dans une phrase négative. Nakiratun fi siyaqi an-nafi tufid al-umum, hein? C'est-à-dire qu'elle est une phrase, une négation dans une phrase négative, elle introduit la généralité, hein, c'est-à-dire n'importe quelle injustice, petite ou grande, mineure ou majeure. Hein. Ce que les compagnons comprenaient spontanément de par leur langue arabe, il nous faut, nous, des années pour l'apprendre. Il faut que nous apprenions la langue arabe, la syntaxe, il faut plier les jambes devant les savants pour comprendre que la négation suivie de l'exception implique la restriction, pour comprendre qu'un tel texte est à portée générale ou absolue, restrictif, etc. Et ainsi que d'autres le sont des usul. Eux, les Arabes à l'époque, les comprenaient directement. Ils ont compris que seuls sont ceux qui n'ont pas mêlé leur foi d'aucune injustice seront à l'abri. Le verset les a secoués avec ses intensifs. Oulaik lahumul amn. Avec l'ism al-ishara, le démonstratif oulaik, et puis le kaf du mukhatab, le kaf de la deuxième personne. Hein? Qui désigne en particulier ceux qui n'ont pas mêlé à leur foi la moindre injustice. Et puis le pronom hum, oulaika lahumul amn. Lahum, hum, lahum. Le pronom hum pluriel qui est un autre intensif, ça les a secoués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés en disant laysa dhalika innama huwa ash-shirk. Ce verset n'a pas le sens que vous lui donnez, il s'agit du shirk. Et puis il leur a dit, n'avez-vous pas entendu la parole suivante qu'a dit Luqman à son fils, « Oh mon cher fils, n'associe rien à Allah, vraiment l'association est une injustice énorme. » Et abonnez-y, « La tushrik billah, inna shirka la zulmun azim » dans sourate Luqman. Donc le sens du verset est, « Ceux qui croient et ne mêlent pas leur foi de shirk. » Donc tout en leur transmettant les versets révélés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les initie à l'exégèse, leur apprend la méthode pour comprendre le texte. Il leur apprend, si je reprends le terme coranique, il leur apprend la sagesse. وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il les oriente. Par quoi doit-on commencer pour acquérir cette science-là? Science relative au ta'wil. Par quoi on doit commencer? Ben, la première étape, c'est la connaissance de ce qu'on appelle gharib al-Qur'an. Gharib, c'est quoi? Gharib, littéralement, c'est étrange. Quelque chose de gharib et quelque chose d'étrange, peu usité et inhabituel. Ça, c'est le sens littéral. Gharib al-Qur'an, ce sont les mots du Coran qui ont besoin d'éclaircissement et d'explication. Les mots qui ne sont pas compris de tout le monde. Les livres du gharib al-Qur'an sont des sortes de lexique, de dictionnaire. Tel mot a tel sens. Quelques informations relatives à son sens. Le sens du mot pris isolément dans le verset. Tel mot, tel sens. C'est quoi azifa? Azifa? C'est quoi azifa? C'est s'approcher. C'est quoi bazara? Falamma ra al qamara baziran qala hadha rabbi, à propos de Ibrahim, quand il vit le qamar, la lune. Baziran, c'est quoi bazara? C'est s'élever, c'est poindre. Voilà, ces sortes de dictionnaires. Ça, c'est la première étape. Je cherche le sens des mots. La lettre, par exemple, ta, taqwa, le ta, taqula. Les lexiques sont parfois présentés par ordre alphabétique. Alif, ba, ta, ta. C'est comme les dictionnaires en français. Comme par exemple ici le lexique coranique, le mufradat d'Al-Raghib al-Asbahani, c'est un mu'jam, ça veut dire que les lettres sont classées par ordre alphabétique, et parfois ils sont classés par l'ordre des sourates, par l'ordre des sourates, comme bon, Al-Fatiha, Al-Baqara, Al-Imran, Nisa, comme dans Gharib al-Qur'an de l'imam Ibn Qutayba. Et là, j'avertis qu'il ne faut pas comprendre le terme gharib dans un sens péjoratif. Quand on dit gharib le Coran, faut pas le comprendre dans son sens littéral de gharib. Faut pas comprendre par là qu'il s'agit d'un sens qui n'est pas digne du Coran, à savoir étrange ou étranger, mot étrange, mot bizarre, ou comme j'ai trouvé dans un livre, mot peu usité dans l'ancien arabe. Cela implique qu'ils sont. C'est que ces mots-là sont des mots qui ne sont pas éloquents. Non. Gharib, c'est par rapport à nous. C'est par rapport à nous. Des mots qui sont gharib, par rapport, qui sont étranges par rapport à nous. Nous, dont la langue arabe a été contaminée par des dialectes, des mots étrangers, etc. Sinon, les arabes anciens les connaissaient. D'accord? Donc, il ne faut pas expliquer. Interpréter mal le mot gharib quand on parle de gharib le Coran. Parce que certains ils disent des mots gharib, ça veut dire étrange, c'est-à-dire peu éloquent, bizarre, marginaux. Non, gharib c'est des mots qui sont étranges pour nous, qui ont besoin d'éclaircissement et d'explication. Sur quoi se basent les savants du gharib le Coran, les lexicologues spécialistes du Coran? Sur quoi se basent pour définir les mots coraniques, pour connaître le mot, que tel mot a tel sens? Ben, il se base sur la prose et la poésie arabe et sur les explications des compagnons et des tabi'ins, sur les compagnons et ceux qui y ont, et les disciples des compagnons. D'accord? D'ailleurs, il faut savoir que les compagnons n'ont pas demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explication de beaucoup de mots, sauf quelques mots qui leur paraissent, qui n'ont pas compris. Sinon, les compagnons comprenaient presque tous les mots du Coran. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran en langue arabe claire que les Arabes de l'époque comprenaient. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi de la langue arabe pure les mots les plus éloquents. Donc ça, c'est en réponse à ceux qui disent gharib, ça veut dire qu'il y a des mots gharib, des mots étranges, des mots bizarres dans le Coran. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de la langue arabe pure les mots les plus raffinés, des mots qui ne heurtent pas l'oreille. Même la sonorité des mots est harmonieuse et l'embrasse le sens. Et ça, c'est les lexicologues spécialistes du Coran, comme Rahib al-Asbahani, et les rhétoristes, le goût, ça, ils le goûtent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis aura vraiment obtenu le succès. Dans Sourate Al-Imran, le verbe zahzaha, méditez le verbe zahzaha. Zuhziha anina, zuhziha, c'est à la voix passive. Le verbe c'est zahzaha. Dans son emploi en langue arabe, zahzaha c'est abada, ça veut dire éloigné. Hein? Méditez la sonorité de ce mot. Zahzaha, c'est comme zelzala. Zelzala, c'est trembler. Mais zelzala, trembler, mouvement répétitif. Zelzala, zelzala, ça veut dire qu'il y a un mouvement vibratoire, un mouvement répétitif. Méditez comment le mot, la sonorité des mots rend un peu le sens, donne une idée du sens de ce mot-là. Alors, zahzaha, qu'est-ce qu'elle évoque chez vous? Zah, zah, zah. C'est comme si on poussait un objet lourd. On pousse, zah, puis on s'arrête. Puis on pousse, zah, puis on s'arrête. Hmm? Comment traduire ce verbe zuhziha? Tu ne trouveras jamais le mot qui lui correspond ou qui a la même teneur. Dans les essais de traduction, on trouvera quoi? On doit échapper, celui qui aura échappé à l'enfer, ou écarté du feu. Ben, moi, je traduirais par pousser loin du feu. Zuhziha, celui qui a été poussé loin du feu. En langue arabe, tu chercheras un mot équivalent, tu ne le trouveras pas. Qui prend la place et qui joue le même rôle, qui a la même teneur et le même effet, la même vibration, tu ne le trouveras pas. Et quant à son éloquence, à la richesse de son sens, et à la profondeur du sens de ce mot-là, de ce verbe, elle est encore plus sublime. Concernant ce mot, les maîtres de rhétorique disent voilà ce qu'ils ont compris. Les mufassirines, ils disent que zuhziha anin nar, ils disent que l'homme n'aura le salut que par l'aide d'Allah. S'il est livré à lui-même, il tombera dans le feu. Les péchés, les passions, les désirs concupiscents, et Satan aussi, l'alourdissent. Ils l'alourdissent et l'attirent vers le feu. Donc il devient lourd, comme un objet lourd. Donc on le zahzah. On le pousse avec difficilement. Parce qu'il est alourdi par les péchés. Sans cette poussée salutaire, sans cette poussée providentielle, il chutera dans l'abîme du feu. Donc contemplez le choix de ce mot, son éloquence et sa place dans le verset. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah fait descendre les plus beaux des récits, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, dans Sourat Zumar. Alors, donc la première science du tafsir qu'il faut apprendre, la première étape, est la science du Gharib al-Qur'an, la connaissance des mots qui ont besoin d'explication. Ma'arifatu Gharib, et ça, c'est le 36e chapitre de l'Itran de l'imam Suyuti, c'est le deuxième volume. Hein? Il a commencé ce chapitre-là par la phrase suivante. أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد ومن أشهرها كتاب العزيزي فقد أقام في تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري ومن أحسنها المفردات للراغب ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين. Un nombre considérable de savants ont composé des livres sur Gharib al-Qur'an, c'est-à-dire sur les mots difficiles du Coran. Ils ont composé quoi? Des lexiques, des dictionnaires. Hein? Des lexiques. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. أفرده بالتأليف خلائق لا يحصون منهم أبو عبيدة. C'est Abu Ubaida Abu Ubaida, Sajid Abu Ubaida, Ma'mar ibn al-Muthanna. Il est né en 110 de l'Égir, vers les années 700, c'est-à-dire 13 siècles. 110 de l'Égir, c'est l'année où est mort Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il est né en 110 de l'Égir et il est mort en 211 de l'Égir. C'est un centenaire. Il a écrit 200 livres. Il est l'élève d'Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Abu Amr, il est connu. On a parlé du Qari Abu Amr. C'est l'un des sept Qurra, des éminents Qira'at Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Al-Suyuti, il fait allusion aussi ici quand il a cité Abu Ubaida. Ma'mar ibn al-Muthanna, il fait allusion au livre Majaz al-Qur'an. C'est l'un des plus anciens livres sur le lexique coranique, sur Gharib al-Qur'an. Je dis cela pour le distinguer du tafsir. Ce n'est pas un livre d'exégèse, mais c'est une sorte de lexique. Mot, quelques informations sur le mot. Et là, j'attire votre attention, faire très attention à ce point, c'est que le titre peut tromper certains. Abu Ubaida n'entend pas par le majaz ici le majaz dans son sens terminologique, à savoir le sens figuré ou la métaphore. Kitab le majaz fi gharib al-Qur'an, parce que bon, certains sont, subhanallah, éblouis par les mots. Dès qu'il entend le majaz, ça y est, il faut aller plus loin, il faut chercher. Certains s'arrêtent aux mots sans aller plus loin, sans chercher, c'est dire que certains mots ont un effet éblouissant sur certaines personnes. Ils s'arrêtent, ils ont toujours une lecture superficielle. Donc, le majaz, fi gharib al-Qur'an, c'est un lexique. Il n'a rien à voir avec la métaphore ni du sens figuré. À son époque, le majaz n'avait pas ce sens-là, n'avait pas le sens de métaphore ou de sens figuré. C'est plus tard, c'était pas connu. Ni Al-Farahidi n'a pas parlé de majaz, Sibawayh n'a pas parlé du majaz. C'est plus tard qu'on a commencé à parler de sens propre, de sens figuré, etc. Le majaz, dans son livre, a le sens d'explication. Il a le sens d'explication. C'est quoi majaz? Il vient du jawaz. C'est quoi le jawaz? Majaz, c'est ala wazni maf'al. Jawaz. Majaz, c'est jawaz. Jawaz, c'est quoi? Jawaz veut dire franchir, obour, passer, traverser. Ici, passer du mot coranique à son explication, tout simplement. Et à son explication d'après les poèmes arabes. Ça, les poèmes, il a caractérisé ce livre-là. Donc, il faut faire très attention à la confusion. C'est un lexique présenté par ordre des sourates. Il explique chaque mot. Il dit l'arche, c'est quoi? L'arche, c'est assarir, le lit. Basira, c'est quoi? Basira, c'est certitude, yaqin, etc. Il explique, donne quelques informations sur chaque mot. Et ce livre se trouve dans les librairies. Il a été vérifié par Dr. Mohamed Fouad Sazkin. Sazkin ou Sizkin. Je ne me rappelle pas de... ça a été fait par ce docteur-là il y a une cinquantaine d'années. C'est un livre qui a besoin d'être revérifié. Livre très instructif, une référence. Beaucoup d'exégètes ont profité de ce livre-là, notamment le grand imam Tabari, Mujahid Tabari, Ibn Qutayba aussi, l'imam Al-Qurtubi, aussi Ibn Atiyah, il a profité de ce livre-là. دونك شكون تيسك هذه السيوطي الذي افردوا بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم ابو عبيده منهم ابو عبيده alors nous avons expliqué son œuvre وابو عمر الزاهد وابن دريد منهم ابو عبيده وابو عمر الزاهد ابو عمر الزاهد يسجد دو محمد بن عبد الواحد connu sous le nom de غلام ثعلب il est né en 261 de l'Égir, il est mort en 345 de l'Égir, ça veut dire que ça fait 11 siècles déjà. C'est un linguiste, et Suyuti fait allusion ici à son livre Yaqut al-Sirat. Ce livre a été édité, il est classé selon l'ordre des sourates. Alors, Abu Omar al-Zahid, Ibn Durayd, il est mort en 321 de l'Égir, son livre Gharib al-Qur'an. Son livre, il s'appelle Gharib al-Qur'an. Et on dit qu'il ne l'a pas terminé. ومن أشهرها كتاب العزيزي، فقد أقام في تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري. العزيزي سي أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني. Il est mort en 332 l'Hégire. C'est un littéraire. Le livre en question, c'est Nuzhatul Quloub fi Gharibi al-Qur'an. Quand il l'écrivait, ce livre-là, il l'explosait, à son cheikh Abu Bakr ibn al-Anbari. Ibn al-Anbari est un imam, est un hafiz. C'est un linguiste, grammairien, éminent savant, Abu Bakr al-Anbari. Alors, le livre Nuzhat al-Quloub est présenté par ordre alphabétique. Alif, ba, ta, tha. Le plus étonnant quand j'ai consulté ce livre-là, c'est qu'il commence par la voyelle, par exemple. Par la voyelle fatha, puis dhamma, puis kasra. Par exemple, il dit harfud dal. Il dit da, da, ba. Dallahuma bi ghurur. Puis, il dit do. De l'eau que shams, par exemple. Et les lettres avec la dhamma qui se trouve dans le Coran. Et enfin, il dit avec la kasra, din, dif, dihaq, dihan. Un livre très utile. Abdelkrim, Cheikh Abdelkrim al-Khodr, il l'a loué. C'est un livre très étudié par les Mauritaniens. Abdelkrim al-Khodr, il en a parlé dans son explication de Muqaddimat al-Tafsir de l'imam Suyuti. Alors je termine la phrase de Suyuti, il dit ومن احسنها المفردات للراغب ولابي حيان في ذلك تاليف مختصر في كراسين. Il a dit l'un des meilleurs de ces livres est al-mufradat. Al-mufradat, il s'agit de al-mufradat fi gharib al-Quran. Il est vraiment un des meilleurs. Il est présenté par ordre alphabétique. Al-mufradat fi gharib al-Quran de Raghib al-Isfahani. Il est très connu. ولابي حيان في ذلك تاليف مختصر. Abu Hayyan, c'est Mohamed ibn Yusuf, ibn Ali ibn Yusuf, l'Andalousi al-Gharnati. C'est un savant andalou, l'Espagne musulmane. Il est né en 654 de l'Hégire. Il est mort en 754 de l'Hégire. Il était contemporain d'Ibn Taymiyyah, hein? C'est la même époque. Vous savez, Ibn Taymiyyah, il est mort en 728 de l'Hégire. Il est originaire de Grenade, d'origine berbère. Il y a beaucoup de savants berbères pour l'occasion. Il y a beaucoup, beaucoup de savants berbères. Ça, il faut. Allah, si j'ai le temps, inch'Allah, je donnerai la biographie des éminents savants berbères qui ont beaucoup donné à la communauté musulmane. Ikrima. Ah, Ikrima, le disciple de Abdullah ibn Abbas. Ikrima, le grand exégète, l'éminent exégète. La référence d'Ibn Jarir al-Tabari. L'un des rapporteurs sur lequel compte l'imam al-Bukhari. Un géant de l'exégète. Disciple direct qui a reçu le tafsir de la bouche d'Abdullah ibn Abbas. C'est un berbère. Vous savez, la grande école d'Ibn Abbas. Connu. Saïd ibn Jubair. Mujahid ibn Jabr. Dahak, les grands géants de l'exégèse, la grande école d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Ikrima fait partie de cette école-là. Et c'est l'une des grandes références, et c'est un berbère. Yahya ibn Yahya al-Laythi, le grand rapporteur de l'imam Malik. Vous savez, c'est la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi qui est la plus reconnue dans le monde musulman. Et Yahya ibn Yahya al-Laythi, c'est un berbère. Je dis, l'imam Suyuti parle d'Abu Hayyan al-Andalusi. Il a dit qu'il a fait un résumé. Il a fait un résumé un lexique, un abrégé. Et le Mukhtasar auquel fait allusion l'imam Suyuti, c'est Tuhfat al-Arib bima fi al-Qur'an min al-Gharib. C'est un petit abrégé. Mukhtasar, c'est un Mukhtasar d'Abu Hayyan al-Andalusi. Ibn Hayyan fi dhalika ta'lif al-Mukhtasar fi Kurasain. J'ajoute qu'il existe des poèmes lexicographiques. Des mots du Coran. Il y a des lexiques sous forme de poèmes. Hein? Ça, c'est pour faciliter leur apprentissage. Vous savez, dans les mutun, les textes de base, on les transforme en poèmes pour en faciliter l'apprentissage par l'élève. Et ça, ce sont les Mauritaniens qui excellent dans cet art-là. Donc, Ibn al-Munayyir l'Iskandarani, il a fait un poème, Taysir l'Ajib fi Nazm al-Gharib, Ibn al-Munayyir, le Maliki. Il est mort en 683 de l'Hégire. Il a fait 2482 beyts, un excellent poème. Beyt, c'est un doublé. Vous savez, la poésie classique, c'est des doublés. Et l'Izdirini aussi, il a fait un poème, un lexique sous forme de poème. Il est composé de 3000 doublés, 3000 beyts. Nous avons déjà parlé de l'Izdirini quand on a parlé du chapitre du Tanzil, Ma'rifat al-Makki ou al-Madani, la connaissance de la révélation mécoise, la connaissance de la révélation médinoise. La connaissance du sens des mots, c'est fondamental pour un exégète. C'est comme les briques pour celui qui veut construire une maison. Comme a dit Ar-Raghib al-Asbahani dans l'introduction de son fameux lexique, Al-Mufarradat fi Gharib al-Qur'an. C'est comme les briques. Sans les briques, tu ne peux pas construire une maison. Cela est utile non seulement dans les sciences du Coran, mais dans toutes les sciences de la charia, al-fiqh, l'osul se fonde sur la langue arabe, sur les lexiques, mufradat. Puis, bon, alors j'ai traduit ce qu'a dit Suyuti, la première phrase. Ben, 2 pages plus loin, Suyuti, il a dit: Wa awwalu ma yurja'u ilayhi fi dhalika ma thabata 'an ibn 'Abbas wa ashabihi al-akhidhina 'anhu fa innahu warada 'anhum ma yastaw'ibu tafsir gharib al-Qur'an bil asanid al-thabita al-sahiha. Il a dit la source à laquelle il faut revenir en priorité à ce titre, ce qui concerne le lexique, et ce qui remonte à Ibn Abbas et ses vrais disciples, c'est-à-dire ses disciples qui ont pris le savoir de sa bouche. C'est la référence à laquelle il faut recourir, il faut revenir. Ce sont les textes qui expliquent certains mots qui remontent authentiquement à Ibn Abbas et à ses disciples. فإنه ورد عنه ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة. Il a dit car les explications des mots du Coran qui remontent jusqu'à eux, d'après des chaînes sûres, peuvent constituer un lexique de tout le Coran. C'est logique, les compagnons du prophète sallam connaissent le sens des mots et des versets plus que les générations postérieures. Donc, c'est normal qu'on recourt à leur texte, à ce qui est rapporté et qui remontent à eux authentiquement. Ils ont vécu la descente de la révélation, ils ont vécu avec l'envoyé, les compagnons ont écrit de leurs mains ce qu'Allah a révélé, ce sont des umana. Alors, le prophète sallam leur a fait tazkiyah, et ce sont les hommes dignes de foi, les hommes intègres qui ont été aptes à assumer la responsabilité d'écrire la révélation divine. Donc, c'est à eux qu'il faut donner la priorité en matière d'exégèse ou de lexique. Le prophète sallam les a éduqués et leur a enseigné le manhaj de compréhension. Et à la tête de ces compagnons-là, il y a Abdullah ibn Abbas, l'exégète par excellence du Coran. Parce que le prophète sallam, il a invoqué Allah en sa faveur. Il a dit Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil, oh mon Dieu, inspire-lui la compréhension profonde de la religion et enseigne-lui la science de l'interprétation des textes sacrés. Allahumma faqihhu fi din, ce passage-là vous le trouvez dans Sahih al-Bukhari Muslim, et le reste, le deuxième passage, et enseigne-lui le ta'wil, la science de l'interprétation des textes, ça, ce passage-là on le trouve dans le Mu'jam de Tabarani, mais le hadith, il se trouve dans le Sahih du Cheikh Al-Albani. Alors les définitions les plus sûres sont celles d'Ibn Abbas et ses disciples. Et il a dit, si on réunit tout ce qui a été rapporté à ce sujet, il peut couvrir tout le Coran, un lexique complet. Puis Suyuti, il a dit: « Wa ha ana asuq huna ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة، فإنها من أصح الطرق. Maintenant, il a dit, je vais citer ce qui a été rapporté à ce sujet, c'est-à-dire la glose, les définitions des mots coraniques, d'après la chaîne de transmission qui remonte à Ibn Abi Talha en particulier. وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك من طريق ابن أبي طلحة خاصة فإنها من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتبا على السور. Il a dit bon, je vais citer ce qui a été rapporté à ce sujet d'après la chaîne de transmission qui remonte à Ibn Abi Talha en particulier, car c'est l'une des chaînes les plus sûres. D'ailleurs, le Bukhari s'est fondé sur cette chaîne. Il a dit, je vais le présenter les mots en respectant l'ordre des sourates. Suyuti, il fait allusion ici à un manuscrit qui, comme a dit Ibn Hajar, se trouvait chez Abu Saleh, le secrétaire de Layth. Layth, c'est un des fondateurs de Madhab. Layth était contemporain de l'imam Malik. Layth vivait en Égypte. Il avait son propre madhab, mais ce madhab-là n'a pas eu le même succès que les autres, les quatre madhab. Layth al-Awza'i, Abu Thawr et d'autres. Il y a eu d'autres madhab que les quatre, mais ces madhab-là se sont éteints parce que bon, les élèves de ces chouyours n'ont pas entretenu les masaïls de leur cheikh. D'accord. Donc le secrétaire de Layth, Abu Saleh, il a rapporté le contenu de ce manuscrit où se trouve le lexique qui remonte à Ibn Abbas. Il dit, Abu Saleh, il a rapporté le contenu de ce manuscrit de Muawiyah ibn Saleh, lequel le rapporte de Ali ibn Abi Talha. Lequel l'attribue à Ibn Abbas. As-Suyuti, il parle de ce manuscrit dans le 80e chapitre de son Itqan. Tabaqat al-Mufassirin, génération des commentateurs. Certains savants ont critiqué cette chaîne de transmission, car Ali ibn Abi Talha n'était pas contemporain d'Ibn Abbas. Hein. Mais Ibn Hajar a dit que l'intermédiaire entre Ali ibn Abi Talha et Ibn Abbas est quelqu'un d'intègre. Il est soit Mujahid ibn Jabr, soit Saïd ibn Jubair, et ces deux-là sont des disciples d'Ibn Abbas. Donc il n'y a pas de problème, inshallah, dans cet isnad-là. Et quand Suyuti, rahimahullah, a dit que le Bukhari s'est fondé sur la chaîne qui remonte à Abu Talha, il ne faut pas comprendre qu'il a cité ces définitions d'Ibn Abbas parmi les hadiths de son sahih. Quand il dit que اعتمد البخاري في صحيحه وعليها اعتمد البخاري في صحيحه صح طرق عليها اعتمد البخاري في صحيحه. Il ne veut pas dire que, faut pas comprendre que le Bukhari a cité les définitions qui sont rapportées selon cette chaîne-là qui remonte à Ibn Abi Talha se trouvent dans les hadiths eux-mêmes. Ces définitions sont citées sans chaîne de transmission. Sans chaîne, c'est-à-dire sans chaîne de transmission. Je vais expliquer. Exemple. Il dit chapitre de la sourate Ar-Rahman concernant le verset Wal arda wada'aha lil anam. Quant à la terre, il l'a aménagée pour Al-Anam. Le Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit sous ce chapitre, il dit Ibn Abbas a dit Al-Anam, ce sont les créatures. Al-Anamu al-Khalqu. Il cite l'explication d'Ibn Abbas, sans citer la chaîne de transmission. D'accord? Sans intermédiaire entre lui, c'est-à-dire Al-Bukhari et Ibn Abbas. C'est ce qu'on appelle le Mu'allaq. C'est ce qu'on appelle le Mu'allaq. Le Mu'allaqat, c'est-à-dire des chaînes, des hadiths sans chaîne de transmission où il manque un tronçon qui commence par Al-Bukhari, qui se termine par le rapporteur en question. D'accord? Bon, Ibn Abbas a dit, sans chaîne de transmission, il n'y a pas d'intermédiaire entre Al-Bukhari et Ibn Abbas. C'est ce qu'on appelle Hadith al-Mu'allaq. Et généralement, le Bukhari, il met le contenu d'un hadith dans le titre d'un chapitre, et on appelle cela la tarjama, hein, qui donne une idée sur le sens du hadith placé sous le titre. Hein, c'est très important, la chaîne de transmission, pour distinguer ce qui remonte authentiquement à Ibn Abbas en matière de tafsir, et de ce qui ne l'est pas. Hein. Ce n'est pas toutes les explications qui se trouvent dans les livres du tafsir sont authentiques et sont à vérifier, d'où le rôle du muhakkik, du savant du hadith, du jarh al-ta'dil, qui fait le tri. Parce qu'il y a un livre de tafsir attribué à Abdullah ibn Abbas et qui se vend dans les librairies, il s'appelle Tanwir al-Miqyas fi tafsir ibn Abbas. C'est un livre écrit par Al-Fayrouz Abadi. Al-Fayrouz Abadi, c'est un lexicologue. C'est l'auteur du célèbre lexique, le Qamus al-Muhit. Il le rapporte, Al-Fayrouz Abadi le rapporte d'après Mohamed ibn Marwan al-Suddi, selon Al-Kalbi. Selon Abu Saleh, selon Ibn Abbas. Voici la chaîne de transmission de ce livre-là. Or, al-Suddi et Al-Kalbi sont récusés par les muhaddithines. Ils sont même accusés de mensonge. Donc ce que ce livre contient comme explication est faussement attribué à Ibn Abbas. Donc il faut se méfier. Ensuite, là je reviens à ce qu'a dit Suyuti. Il a cité les définitions des mots coraniques d'après la chaîne précitée comme ils se trouvent dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim et dans le tafsir d'Ibn Jarir Tabari. Il a cité, il a mis un petit lexique dans son itqan. Un lexique trié qui a occupé 60 pages de son itqan. Il dit par exemple la yu'minun la yusaddiqun, il ne croit pas, la yusaddiqun, ya'mahun yatamadawun, c'est-à-dire ils s'invétèrent, ils vont plus loin, Allahu yastazibu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dans leur injustice ils les laissent. Dans leur injustice, Yamahun, ça veut dire Yatamadaun, ils s'invétèrent, ils s'aggravent, ils vont plus loin dans leur injustice et dans leur transgression. Mais Nansakh, mais Nubaddil. Nansakh, abrogé, Nubaddil, nous changeons. Donc, c'est un petit lexique qu'il a fait, qu'il a mis dans son itran et qui se fonde sur ce tariq-là d'Ibn Abi Talha. Et j'ai dit qu'il ne faut pas, quand il dit que le Bukhari, il se fonde sur le tariq Ibn Abi Talha, dans le lexique qu'il a mis dans son sahih, cela ne veut pas dire qu'il l'a mis parmi les hadiths. Ça veut dire que ce tariq-là n'obéit pas à ses critères dans le choix des hadiths de son sahih. Les mu'allaqat, il y a parmi les mu'allaqat des hadiths sahih, des hadiths hassan et des hadiths qui sont contestés par les muhaddithin. Ce qu'il y a dans les titres est à l'imam Bukhari l'a mis sans chaîne de transmission et sans, ils sont à vérifier. La référence la plus riche en définition de mots coraniques qui remonte par des chaînes de transmission à Ibn Abbas, sont ce que nous appelons Masail ibn al-Azraq. Ça, c'est très connu. Ça, concernant Gharib al-Qur'an, les définitions des mots, bon, on recourt aux livres d'exégèse comme ce que nous a trié l'imam Suyuti à partir du livre d'exégèse d'Ibn Abi Hatim et celui de Tabari, et aussi le sens des mots qui se trouvent dans Sahih al-Bukhari, où il dit Ibn Abbas a dit, Saïd ibn Jubayr a dit, etc., sont très intéressants, sont authentiques, c'est-à-dire on tient compte du sens de ces mots-là. Et il y a ce qu'on appelle Masail al-Azraq, et ça, qu'est-ce que ça veut dire Masail ibn al-Azraq? Masail ibn al-Azraq, ce sont des questions posées par Nafi ibn al-Azraq, le Kharijit, c'est-à-dire le sait de la secte al-Khawarij, il est même le chef de file de la secte qui porte son nom, l'Azariqa. J'ai dit, bon, c'est des questions posées par Nafi ibn al-Azraq à Ibn Abbas sur certains mots du Coran. Masail de Nafi ibn al-Azraq, certaines se trouvent dans le Mu'jam al-Kabir de Tabarani, d'après Dahak, et Ibn al-Anbari, il en a rapporté quelques-uns dans son livre Al-Waqf wal-Ibtida'. Ibn al-Mubarrid en cite un petit nombre, cette question, dans son livre Al-Kamil. Ibn al-Mubarrid, c'est un linguiste, un grammairien. Suyuti, on a cité dans le 36e chapitre 190 mas'ala. 190 questions posées par Nafi ibn al-Azraq à Abdullah ibn Abbas. Et d'après une chaîne de transmission qui part de lui, de Suyuti, et qui se termine à Ibn Abbas. Nafi, il pose la question, puis Ibn Abbas répond en citant comme argument des vers de poème. Exemple, Nafi ibn al-Azraq, il demande à Ibn Abbas, il dit, explique-moi la parole Hananan. Wa Hananan min ladunna, dans Surat Maryam. Wa Hananan min ladunna wa zakatan. Wa Hananan min ladunna, il dit, c'est quoi Hanan? Ibn Abbas répondit, Hananan min ladunna, ça veut dire par miséricorde de notre part. Par Hanan de notre part, par miséricorde de notre part. Il a dit, Nafi ibn al-Azraq, les Arabes connaissent-ils ce terme? وهل تعرف العرب ذلك؟ ابن عباس lui dit oui. N'as-tu pas entendu Taraf ibn Abd dire? Là, il donne comme shahid, comme preuve, un vers de poème de la poésie anti-islamique. Taraf ibn Abd, il était avant la révélation, avant la mission prophétique. Taraf ibn Abd a dit أبا المنذر أفنيت فاستبق بعدنا. أبا المنذر أفنيت فاستبق بعدنا حنانيك بعد الشر أهون من بعدي. Ô Abu al-Mundhir, tu es en train de nous exterminer, épargne certains d'entre nous. فاستبق بعدنا, épargne certains d'entre nous. حنانيك بعد الشر أهون من بعدي. حنانيك, pitié, fais-nous miséricorde. Certains crimes sont moins abominables que d'autres. Certains crimes sont moins abominables que d'autres. Hananeik, ça veut dire fais-nous miséricorde, pitié. D'accord, il a donné ces vers de poème comme preuve puisque le Coran a été révélé en langue arabe. Donc, ces masaïls sont utiles dans le sens où ils prouvent que les compagnons tiraient argument de la poésie de l'époque pour expliquer certains mots. C'est ce qu'on appelle istishhadu bishyar. Hein? D'accord. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Nous avons fait descendre en langue arabe. Donc, bon, je dis pour la probité en matière de hadith, je dis que les chaînes de transmission des Masaïl d'Ibn al-Azraq ne sont pas toutes sûres. D'accord ? Ils comportent des rapporteurs de très faible autorité, y compris la chaîne de l'imam Suyuti. Hein ? Dans sa chaîne se trouve Isa ibn Da'ab. Et Isa ibn Da'ab, il est récusable. Hein ? Je pense wallahu a'lam que les masaïl qui se trouvent dans le Kamil d'Al-Mubarrid, ils sont authentiques. Bien sûr, quand je dis qu'il y a dans cette chaîne qu'a cité Suyuti qui remonte à Ibn Abbas un rapporteur accusable, ne veut pas dire qu'on doit rejeter toutes ces masaïl là. Non, loin de là, ils ont une valeur, ces masaïls-là. Ils peuvent être appuyés par d'autres chaînes. D'ailleurs, dans le Sahih al-Bukhari, dans le Kitab al-Tafsir, concernant le chapitre la Sourate Sajda, Hamim, il y a une série de questions posées par un homme à Ibn Abbas. Saïd ibn Jubair n'a pas, qui est le disciple d'Ibn Abbas, n'a pas mentionné le nom de cet homme. Mais Ibn Hajar a dit qu'il s'agit bien de Nafi' ibn al-Azraq. Nafi' a donc bel et bien rencontré Ibn Abbas et lui a posé des questions. Seulement, les chaînes de transmission de ces masaïls, en dehors de ce qu'il y a dans le Sahih, ont besoin de tahqiq, de vérification. Et d'ailleurs, il n'échappe pas à un imam du poids de Suyuti que certains rapporteurs sont faibles dans sa chaîne de transmission. Suyuti, c'est un savant, le hadith. Mais il cita ces masaïls pour leur valeur exégétique. En plus, lorsqu'un savant cite un récit avec sa chaîne de transmission, il se dégage de toute responsabilité. De toute responsabilité. Voilà, je m'arrête, inshallah, ici. La prochaine fois, bon, je vais parler de certaines branches qui se ramifient du Gharib, du Coran. J'espère que je ne vous ai pas un peu. C'était pas difficile pour vous ce que j'ai dit dans ce dars. Bon, je l'expliquerai mieux, inshallah, la prochaine fois. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.